Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Ok la vie, ok la vie, ok la vie, ok. Ouvre ta fenêtre sur le jour nouveau, qui sera peut-être ton jour le plus beau, qui pourrait te dire si c'est aujourd'hui que va se produire un tournant dans ta vie. Ok la vie, ok la vie, ok la vie. Viens là qui t'appelle, vole vers le ciel comme une carte. Bonjour à tous et à toutes, voilà donc il est 13h passé de 30 minutes, voilà donc bienvenue à l'écoute d'Arc-en-Ciel, voici l'émission comme tous les mardis après-midi tout simplement pour l'émission Music Dance. Voilà aussi, j'espère que vous avez pu débuter très bonne, tout simplement bon début de semaine et puis ainsi très bonne matinée. Sais-tu où il vit? Il est là peut-être à deux pas de toi. On a pu débuter l'émission avec le groupe Bonhomme en Megamix. Et puis je vous laisse avec tout simplement, qui est derrière moi, tout simplement, Annie Cordy. Ouvre ta fenêtre. Et puis donc, juste après, on écoutera tout simplement eh bien, Corinne Charby. Et puis d'autres chansons tout simplement que vous connaissez tous et toutes. Ton grand jour de joie, où la terre entière chantera avec toi. Ton jour de lumière, ton grand jour de joie, où la terre entière chantera. Donc, je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Mais moi j'ai vu ma vie. n'aimais pas de pièce ses joues. Toi qui voyages, si tu la croises un jour, reviens me dire, reviens me dire. Dis-moi un peu si elle porte toujours dans les cheveux ses essences d'amour. Et tous mes rêves sur ses lèvres. Mais promets-moi, t'approche pas trop. Si tu poses tes doigts en transe de sa peau, tu délires. Délire. Sans me méfier, je l'ai serré très fort. Aujourd'hui encore, mon Chanel, les yeux qui brûlent. Qui brûlent. Elle est à l'âge des voyages au long cours, des princes arabes et mariages d'amour. Des esclaves libres, des histoires à suivre. Moi, je ne rentrais souvent qu'un soir sur deux. Mes amis étaient des gens curieux, difficiles à suivre. Dis-lui, je réapprends à vivre. Et promets-moi, t'approche pas trop. Si tu poses tes doigts au bronze de sa peau, tu délires. Tu délires. Sans me méfier, je l'ai serré très fort. Aujourd'hui encore, Chanel, les yeux qui brûlent. Qui brûlent. Elle n'aimait pas de pièces ses jours, mais toi qui voyages, tu la croises un jour. Reviens me dire, reviens me dire. Dis-lui que pour elle je donnerai mon dernier souffle et même celui d'après. Ciel. Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la ballade. Voici donc tout simplement la ballade avec Gérard Lelormand, et puis juste après on écoutera Didier Barbeau-Livien. Dans ton petit jardin de banlieue. Et puis juste après ce sera le groupe Indochine. La ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes. C'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut, tu viens te chanter la ballade des gens heureux. Tu viens de chanter la ballade des gens heureux. Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Trousseau de clés, on le perd. Il était là, il y a 20 secondes. On ne va pas en faire une affaire. C'est arrivé à tout le monde. En raccrochant le téléphone, on ne sait plus trop ce qu'on a dit. Peut-être on ne parlait à personne. Peut-être que c'était vendredi. Maman, maman là-bas, tu vas danser. Maman, sur les violons de ton passé. Ici, dois être effacé. Ici, l'instant présent vite oublié. Maman, maman là-bas, rien n'a changé. Maman, le temps d'avant s'est arrêté. Là-bas, il y a tant de choses à raconter. Là-bas, ta mémoire est ressuscitée. On se méfie des uns des autres, on voit s'immiscer des voleurs. Et chaque geste est une faute, chaque réflexion une erreur. On laisse les lumières allumées, on oublie le gaz en partant. Comme disent les voisins affolés, ça devient franchement inquiétant. Maman, maman là-bas, tu vas danser. Maman, sur les violons de ton passé. Ici, si l'ardoise est effacée. Ici, l'instant présent vite oublié. On se souvient de son grand-père, jusque dans les moindres détails. Mais on n'a plus aucun repère pour aller chercher son journal. Un jour on ne reconnaît plus rien, même les choses les plus familières. On fait partie comme son prochain de la grande famille d'Alzheimer. Maman, maman là-bas, tu vas danser. Maman, sur les violons de ton passé. Ici, si l'ardoise est effacée. Ici, l'instant présent vite oublié. Maman, le temps d'avant s'est arrêté. Là-bas, il y a tant de choses à raconter. Là-bas, ta mémoire est ressuscitée. Sous-titrage Société Radio-Canada. un jour où j'avais forgé d'amour un monde avec toi. Incroyable, un impartageable monde fait toi, fait de joie et d'amour. Et notre ciel était clair et sans pareil. La poussière à nos pieds semblait de l'or. La moindre lueur. Chaque nuit, mon chagrin rebâtit un monde avec toi. Où ta voix crie je t'aime. Et notre ciel était clair. Chaque nuit, mon chagrin rebâtit un monde avec toi. Premier et Mathieu, voici donc Hervé Villard. Et puis suivi de Elsa. Mais tu n'en finis pas. Voilà donc après Jim Henson, voici donc eh bien, Michel Berger, et puis si vous dites Yves Détail. Et pour consumer ta résistance, j'ai le cœur en bois pour me défendre. J'ai le cœur en bois tendre. J'ai le cœur en bois qui s'enracine dans ta terre pour y puiser l'eau de tes mystères. de tes mystères. J'ai le cœur en bois, mais pour te prendre, j'ai le cœur en bois tendre. Cœur en mer, écartelé par les orages, assoiffé de terre jusqu'à lécher la moindre plage. J'ai le cœur amer comme une lame. J'ai le cœur en mer calme. J'ai le cœur en pierre pour te bâtir des cathédrales. Qui te resteront bien après moi, j'ai le cœur en pierre philosophale, j'ai le cœur d'une étoile. Toi, comme une fleur est dans sa terre, j'ai le cœur en toi comme un enfant dort dans sa mère. J'ai le cœur en toi une seconde, comme le cœur du monde. J'ai le cœur en bois pour consumer ta résistance et me réchauffer de ton absence, de ton absence. J'ai le cœur en moi, mais pour t'attendre, j'ai le cœur en moi, tendre. Arc-en-ciel. Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. D'après les experts, je me tais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui devient fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je ne sers plus à rien moi, il n'y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge et mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge. Voyons, c'est bon, écoutez, après tout simplement Van Aert Lavillier, voici donc Renault, et après ce sera Ottawa le groupe. Entre ce sang qui coule sur le sable de l'arène et fait vibrer la foule barbare inhumaine, ce sang rouge qui jaillit comme l'eau des fontaines, le taureau accroupi sous l'acier madrilène. Et puis le sang versé hier à Tiananmen, qui a éclaboussé aux mémoires et la mienne. Comme une étrange ressemblance, même douleur, même peine. Comme une étrange ressemblance, même couleur d'où qu'ils viennent. Sur le flanc des baleines, harponné dans la houle, décimé par centaines. Celui des loups, des ours, restait plus lointaine, abattu dans leur course pour une vie sans chaîne. Et le sang qui rougit, la peau de porcelaine, de ces enfants d'Asie, birmanes, tibétaines. Comme une étrange ressemblance, même douleur, même peine. Comme une étrange ressemblance, même couleur d'où qu'ils viennent. À ce troupeau de hyènes qui voit les différences entre toutes ces haines, ces torrents de souffrance, animales ou humaines. La mort est un théâtre, dans tous les cas obscène. Le rouge écarlate coule des mêmes veines. Comme une étrange ressemblance, même douleur, même peine. Ressemblance, même couleur d'où qu'ils viennent. Comme une étrange ressemblance, même douleur, même peine. Okay. 4.2, on pourra si tu veux aller au ciné. Si t'es pas fatigué, ensuite on ira partager le meilleur champagne et Sandet, des Champs-Élysées. T'es OK, t'es OK. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voici donc David Bowie. Et puis juste après, on va faire un petit tour du côté du country. Sway through the crowd to a lifting space. bonheur. See my old poppin', I know. Yeah, ever gonna see his old poppin' and smoke. Oh, poppin', I know, poppin', I know. Once you can hear something in the show. But I ever gonna see my old poppin', I know. Yeah, ever gonna see his old poppin' and smoke. We'll be right back.

y a aux jours heureux, tes pères et mères encore très amoureux, et toi tu venais, y aura chez nous, t'as fait souvent des couronnes jaunes. fait. J'étais comme ça devant elle. Elle était tellement belle. Elle était tellement pour moi que je ne sais même pas si j'ai vu trembler mes doigts quand elle était là. Prêt à oublier ma peine, prêt à me couper les veines. Un fou qui fait n'importe quoi. Qu'elle ne soit rien que pour moi. Fou qu'elle m'aime. Je ferai n'importe quoi. Ma tête tourne, ma tête frappe. Un coup de tambour qui éclate. Je veux qu'elle devienne ma loi. Je serai le mendiant, le roi. Fou qu'elle m'aime. Montagne à brûler la terre entière, à faire 10 000 ans de bagne, à vider l'eau de la mer, pour la serrer contre moi, sentir trembler ses doigts, au bout du souffle de sa voix, entendre qu'elle m'aimera. Comme un piano qui se casse, ses notes écrasées par terre, comme le feu sur la glace, l'avion qui explose. Qu'elle ne soit rien que pour moi, pour qu'elle m'aime. Je ferai n'importe quoi. Ma tête tourne, ma tête frappe. Un coup de tambour qui éclate. Je veux qu'elle devienne ma loi. Je serai le mendiant, le roi. Pour qu'elle m'aime. Tu revis le geste fait des mots qu'on dit d'un air qu'on chante.

Voici donc Adamo, et puis suivi de Saint Jérôme. Je suis le vent qui m'entraîne, mais le vent de toi. Je suis le vent qui m'entraîne, mais le vent de toi.

a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna show. Si le monde est trop grand. Et ça tourne, tourne dans ma tête comme une mélodie qui tourne en rond. Et ça tourne, tourne dans ma tête, je rêve à l'autre moi qui tourne en rond. Et ça tourne, tourne dans ma tête comme une mélodie qui tourne en rond. Et ça tourne, tourne et mon tête, je rêve à l'autre moi qui tourne en rond. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Voici donc Dean Martin, et puis juste après ce sera Charles Aznavour. When you're too tense, it's common sense to relaxez-vous. The more you earn, the less you learn to relaxez-vous. Oui, French, you'll find our more inclined to relaxez-vous. Relax, relax, relax, relax, relaxez-vous. Doctor bills a hole for pills to relaxez-vous. You're in your prime, so now's the time to relaxez-vous. The girls pursue those fellas who can relaxez-vous. Relax, relax, relax, relaxez-vous. You're as tight as a drum. You're as gay as a tune. You better loosen up, chum. Your drum is apt to snap and go boom, boom. And when you go, they'll take your dough. For the taxi-hoo. Relax-a-hoo. Get your sneakers and slacks. Relax-a-hoo. I don't have to try to relax-a-hoo. Chum, I'm much too numb to relaxez-vous. We French, you'll find I'm more inclined to relaxez-vous. Relax, relax, relax, relaxez-vous. Babe, I take a tub to relaxez-vous. Bub, I sit and scrub to relaxez-vous. The girls pursue those fellows who can relaxez-vous. Relax, relax, relax, relaxez-vous. You're as tight as a drum. I'm as loose as a deuce. You're as gay as a tune. I'm as light as a kite. Better loosen up, chum. Your drum is happy to snap and go. And when you go, they'll take your dough. For a taxi-voo. Relax-a-voo. Get your sneakers and slacks. Relax-a-voo. Get your sneakers and slacks. Relax-a-voo. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation, J'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Ce n'est pas un drame, on est perdu dans la fumée, avec nos rires, avec nos larmes et nos secrets. Je le sais, ce n'est pas un drame, on ose à peine se parler, nos espoirs doucement se fanent sans un regret. Tes yeux perdus dans les miens. Je sais qu'au fond de toi, quand tu penses à moi, c'est pour un instant, c'est pour un moment que tu oublieras quand tu rentreras chez toi. Je le sais, ce n'est pas un drame, je ne te connais pas assez. Mes idées font des gammes sans s'arrêter. Je le sais, ça n'est pas un drame. Demain, il faudra se quitter. C'est la règle du jeu, madame. Ça, tu le sais. Tu ne m'as rien dit. Pourtant, je sais. Je sais qu'au fond de toi, quand tu penses à moi, tu ne penses à rien. Tu souris parfois sans savoir pourquoi, tes yeux perdus dans les miens. Je sais qu'au fond de toi, quand tu penses à moi, c'est pour un instant, c'est pour un moment que tu oublieras quand tu rentreras chez toi. Au fond de toi, quand tu penses à moi, tu ne penses à rien. Tu souris parfois sans savoir pourquoi, tes yeux perdus dans les miens. Je sais au fond de toi, quand tu penses à moi, c'est pour un instant, c'est pour un moment que tu oublieras quand tu rentreras chez toi. Ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. les mesures, on parle de haute couture. Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent. Il regardait les femmes. On voici donc Barry Lover, et puis juste après lui, on a fait un tésor du côté du carnaval. Le regard d'une créature se crée du bout de ses doigts, d'une délicate posture, il les habille de soie. Ses robes sont des si légères, de ses mains caressantes. La silhouette d'une bergère devenait enivrante. Les tissus mis à nu, au regard d'une pensée, de jolies robes inconnues naissaient sur le papier. Et les nuits le dessinent en tableau de maître qui s'illumine à travers ses silhouettes féminines. De sa plume présentait ses costumes le temps d'un instant. Il vit sa vie qui défile à travers les gens, envoûté par son style. Du popard à la cuissarde, enfilant les smokings, c'est avant tout un art qu'il nous dessine. En réponse à l'Oscar proche des années 2000, il laisse un bel héritage à la chante féminine. ciel. Voici donc Richard Anthony, puis suivi de Dick Rivers. Avec une robe noire rétro, mais moi qui te connaissais bien. avec toi. Baby star, ma baby star, tu es tellement plus belle. Baby star, ma baby star, quand tu es naturelle. Star, ah, ah. Tirer le roman d'Hemingway ou sortir d'un film de Fellini. Voilà, après la flûte de Pan, voici donc Sylvie Vartan et puis celui de Enrico Macias. Ce soir, tu vas chanter, pourtant tu n'es pas vraiment loin de moi. Je ne suis pas tout à fait abandonnée. Si je m'ennuie, je peux retrouver ta voix. J'écoute un disque de toi, ça fait 2 minutes 35 de bonheur. Ça me donne quand tu n'es pas là un petit peu de joie dans le cœur. Oh, je peux m'imaginer que je fais tout ce que je veux de toi. Je te fais redire ce qu'il me plaît et tu me dis sans foi. Oh, je n'aime que toi. Le disque est un peu rayé, je l'ai fait jouer tant et tant de fois. Je devine encore ta voix. Chaque soir, je peux chanter, pourtant je ne suis pas vraiment loin de toi. Tu n'es pas tout à fait abandonné, et tu sais que je n'aime que toi. Oh, je peux m'imaginer que je fais tout ce que je veux de toi. Je te fais redire ce qu'il me plaît. Je n'aime que toi. J'écoute un disque de toi. Ça fait 2 minutes 35 de bonheur. Et ça me donne quand tu n'es pas là un tout petit peu de joie dans le cœur. Un petit peu de joie dans le cœur. Chaque soir, je veux chanter. Pourtant je ne suis pas vraiment loin de toi. S'effondre comme l'oiseau de feu. Nul ne peut le contraindre pour lui donner la vie, et rien ne peut l'éteindre sinon l'eau de l'oubli. L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le vendre. L'amour c'est pour rien, tu ne peux l'acheter. Quand ton corps se réveille, tu te mets à trembler. Mais si ton cœur s'éveille, tu te mets à rêver. Tu rêves d'un échange avec un autre aveugle, car tes frissons étranges ne vivent que par deux. L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le vendre. L'amour c'est pour rien, tu ne peux l'acheter. L'amour c'est l'espérance, sans raison et sans loi. L'amour comme la chance ne se mérite pas. Il y a sur terre un être t'aime à la folie, sans même te connaître, prêt à donner sa vie. L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le prendre. L'amour c'est pour rien, mais tu peux le donner. L'amour c'est pour rien. Les nuages te jouent des tours, tu as beau briller là-haut, en bas ça ne fait que de l'eau. Et moi aussi j'ai le cœur lourd, il faudrait chauffer mon amour. Il est si frêle encore, et le froid lui fait bien du tort, et le froid lui fait bien du tort. Tu me dis, l'on me dit, qu'il y a d'autres moyens pour réchauffer un corps qui en aurait besoin. Tu me dis, l'on me dit, que l'on a dans nos mains des millions de soleils et des millions de refrains. Mais le soleil, c'est un amour qui vient juste de voir le jour. Il est trop frais, là encore, je ne veux pas lui faire de tort. Rien qu'un baiser peut l'effrayer, une caresse l'éloigner. Si seulement tu pouvais briller, tu pourrais bien le réchauffer. Tu pourrais bien le réchauffer. Je suis l'abeille, elle est la fleur, à l'état de bouton de cœur. Je ne peux pas la visiter, elle est encore toute fermée. Oh les nuages, couraient donc, pleuraient sous d'autres horizons. Il suffirait d'un peu de bleu pour que mon amour soit heureux, pour que mon amour soit heureux. Tu me dis, l'on me dit, qu'il y a d'autres moyens pour réchauffer un corps qui en aurait besoin. Tu me dis, l'on me dit, que l'on a dans nos mains des millions de soleils, des millions de refrains. Mais le soleil, t'as le cœur lourd, les nuages te jouent des tours. Tu as beau briller là-haut, en bas ça ne fait que de l'eau. Et moi aussi j'ai le cœur lourd, il faudrait chauffer mon amour. Il est si frêle encore, et le froid lui fait bien du tort, et le froid lui fait bien du tort. Voici donc Jean-Luc Lain. Et puis sur cette chanson-là, tout simplement, bien, n'oubliez pas, pour les programmes, donc à partir ce soir, à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver Christophe avec Electric Shock. Et puis juste après, un autre Christophe pour Electric Live jusqu'à 21h jusqu'à 23h. Et puis demain, nous serons mercredi, et à partir de 9h jusqu'à midi, eh bien, vous allez retrouver tout simplement l'émission avec Victor. Et ils te diront comment du néant tu as fait un homme de moi. Quelques plans en douceur, mais pas le train. ciel. Voici donc Clo-Clo, et puis juste après Jojo. Des arbres géants, couverts de fleurs de sang, rampe vers moi, je voudrais fuir mais je ne peux pas. Je pousse un grand cri, je me réveille dans mon lit, mes mains tremblent, je n'y peux rien, j'ai peur de la nuit. Et quand le matin, je vois le soleil de matin, aussi aujourd'hui, les angoisses de la nuit. Oui, quand le matin, je vois le ciel bleu de matin, je respire enfin et la vie me revient. Je vole dans le ciel, je suis bien, j'ai des ailes. Adieu la terre, mais un éclair, je tombe comme une pierre. Je me lève d'un bond, quelqu'un frappe au plafond. J'ai dû crier, je n'y peux rien, j'ai peur de la nuit. Better. Voici donc tout simplement Sheila et puis juste après Christophe. À présent c'est décidé, nous allons nous marier. Dans un mois c'est merveilleux, ah, on est heureux. On discute, on fait des plans pour meubler l'appartement où nous vivrons tous les deux, ah, on est heureux. On s'arrête devant les devantures, le temps traîne dans les grands magasins, on admire la couleur des tentures et le style du lit à baldaquin pour choisir notre décor. Finalement on est d'accord, même si on s'affine un peu, ah, on est heureux. Quand j'imagine la vie en rose, je te vois toujours près de moi. femme voulait jamais. Vos sourires nous attirent, nous les aimons. Vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes pauvres et diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On sait croire et on pense vous connaître. On vous dit toujours pour répondre, mais peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous des hommes. François, voici donc. Comme l'amour que j'ai pour toi, chaque... Voilà donc, voici Michel Thor et c'est cette chanson-là qu'on va se quitter. Rien que par l'habitude. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne après-midi en ma compagnie avec les chansons tout simplement souvenirs et on se retrouve donc, eh bien, déjà vendredi tout simplement à partir de 13h30. Et puis aussi, on se retrouve aussi dimanche prochain en direct avec au parc Lille-Vérole avec toute l'équipe de la radio. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. À rebours pour la fête des Saints Populaires de Radio Arc-en-Ciel est lancé. Samedi 1er, dimanche 2 juillet. Stop. Tout ça, ça a été annulé. On reprend tout et on recommence. Vous pensez que Radio Arc-en-Ciel laisserait les choses ainsi et qu'on allait nous priver de cette fête? Eh bien non. Radio Arc-en-Ciel décale sa traditionnelle fête des Saints Populaires au 16 et 17 septembre au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Traditionnelle? Pas tout à fait. Cette année, c'est une version complètement inédite. Tout d'abord, des horaires modifiés, puisque la programmation des festivités démarre vers 17h le samedi 16 septembre et dès 10h le dimanche 17 septembre. Ensuite, une organisation complètement différente au niveau restauration, puisque le parc de Lignerolles accueillera un petit village de professionnels. Et oui, c'est la grande nouveauté de cette année. Un village restauration pour satisfaire les palais les plus variés. Enfin, on garde un concept d'une programmation musicale riche en couleurs, en sélectionnant un panel d'artistes de styles variés pour animer ce week-end. Hop, hop, hop, hop, hop, mais donne-nous les noms. Le samedi, les festivités seront ouvertes vers 17h par les groupes de Bourges, Soleil du Portugal, Os Amarantinos de Olivet, Os Amigos de Portugal. Vers 20h, animation musicale par DJ Frankie qui chauffera le parc de Lignerolles. À 22h, le groupe Capanegra animera la nuit pour vous faire danser jusqu'à 1h du matin. Le dimanche 17 septembre, rendez-vous à partir de 10h au parc de Lignerolles. Les émissions de Radio Arc-en-Ciel seront faites en direct du parc. Ensuite, vous pourrez découvrir l'ensemble des artistes qui ont été sélectionnés pour cette occasion. Anaïs Carreira, Nice, Portugal, France. Prince Toubla. Tu te souviens quand on était gamin, partait au bled, c'était beau, c'était bien, on était tous pareils. On récolte ce qu'on cueille, on a beaucoup d'orgueil, on se retrouvera dans le cercueil, c'est là-bas qu'on va se recueillir. Merling. Cruz. Desliza, desliza, desliza. Cláudia Caramelo. De jeito na pista. Vamos todos dançar, viva o pé no chão.

Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45 140 Ingré, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. São 4 horas no continente da Madeira, 3 nos Açores. Mantém-se o braço de ferro, voltou a falhar o entendimento entre governo e os sindicatos dos médicos. As reuniões terminaram há instantes no Ministério da Saúde. Há uma nova regra europeia para acabar com a discriminação de sobreviventes de cancro. 10 anos depois do fim do tratamento, o historial clínico deixa de contar na avaliação de quem pede um crédito à banca que exija seguro. Em Portugal, a lei do esquecimento está em vigor desde o ano passado, mas há denúncias de que não está a ser aplicada. Um governo em fim de ciclo, sem soluções para os problemas do país. O diagnóstico é avançado pelo Chega na moção de censura que o partido pretende levar a debate nos próximos dias no Parlamento. Amanhã vamos ter sol no continente, maior nubosidade prevista para o litoral oeste até ao meio da manhã e também no interior durante a tarde. Há a subida da temperatura máxima na previsão para a Madeira, aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas. No grupo ocidental dos Açores, esperam-se aguaceiros fracos, especialmente durante a madrugada e amanhã. Já no grupo central é esperada chuva fraca, passando depois a aguaceiros fracos a partir da noite. Temperaturas a esta hora, 22 graus no Porto, estão 24 em Faro, 25 em Lisboa, nas Ilhas, 25 graus também em Ponta Delgada, estão 27.